Une biberonnette. C'est ce que les anciens gendarmes avaient à l'époque sur leur vélo. Et quand ils voulaient arrêter un... Enfin, un Molfrog, un criminel, ce que tu veux. Et bah, pour traverser avec leur vélo, et bah, il fait vibrer ça, en fait. C'est une espèce d'alarme, comme une ancienne sirène de l'époque. Et on a récupéré ça à une brocante. Et depuis de toujours, on fait toujours carnaval avec. Ça fait bientôt une quinzaine d'années. Et c'est un appel. Voilà l'histoire de la biberonnette. J'ai envie de péter tout à l'heure, je pourrais venir te voir. Le cas échéant, ça pourrait être crédible. Je sais pas faire la moite avec ma bouche, mais peut-être avec mon... Allez.